Bonsoir, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. Il est 19h. Bienvenue à vous. Je m'intéresse, comme vous le savez, aux artistes émergents et à leur entourage. Eh bien écoutez, deux lundis par mois, j'invite un artiste à jouer en direct ou un membre de son entourage. C'est un petit peu le concept de mon émission, dans les coulisses. Ce soir, je suis ravie de pouvoir à nouveau vous partager l'univers artistique d'un jeune chanteur en guitare-voix pour une bonne heure. Je souhaite la bienvenue à Adonis dans les coulisses de Bérénice. Bonsoir Adonis. Bonsoir Bérénice. Rapproche-toi un tout petit peu ou rapproche le micro. Voilà, super. Un tout petit peu, voilà. Donc, on respecte les mesures sanitaires, donc je tiens à le rappeler, puisque tu vas être un des rares à venir jouer en ces temps un petit peu compliqués et difficiles. Tu es bien installé ? Super bien. Super bien, d'accord. Est-ce que tu es prêt à tout nous dévoiler ? Ce serait un grand plaisir. On va voir. On va voir ce que tu vas réussir à me faire dire. Donc, on est là pour une heure. Donc, le principe, si en effet, c'est une interview. Bien sûr, tu vas jouer deux titres de ta composition. Donc, c'est une surprise parce que je ne connais même pas les titres. Enfin, tu m'as dit, j'ai une idée. Je ne t'ai rien dit. J'ai une idée, mais je ne te dévoile pas tout. Bon, donc, je te fais confiance. Tu as ta guitare qui est avec toi, elle est bien accordée ? Parfait. Alors, on va être prêts. Donc, je vais commencer par te poser une question totalement simple. Quand est-ce que a démarré ton aventure musicale ? Voilà. Donc, ça peut remonter à très loin. C'est ça. C'est une question très ouverte, mais il va falloir que tu commences à nous expliquer pourquoi tu es chez nous aujourd'hui. Très mais... bien. Où ça a démarré ? Parfait, tu vas très vite deviner mon âge du coup. Alors ça a commencé, je dirais un peu quand même très très très très vite. Mes souvenirs les plus anciens remontent peut-être à, je dirais 8 ans, 10 ans peut-être. J'avais 8 ans, 10 ans ou il y a 8 ou 10 ans ? Non, j'avais 8 ans, 10 ans. D'accord. Et tu feras le calcul, tu verras. Et donc, je désirais déjà très très ardemment intégrer une chorale. Et c'est vrai qu'à ce moment, en fait, ça a provoqué un peu, le déclic ? Le déclic chez moi et un peu le conflit chez mes parents parce que maman était super pour et papa n'était pas très pour. Papa voulait que ce soit d'abord les études ou rien. Donc, on a réussi à trouver le compromis. Si je travaillais bien l'école, et bien, du coup, je pouvais faire la chorale. Donc, j'ai intégré une chorale très vite à ce moment-là. Où j'ai commencé à apprendre le chant, un peu le piano au début et après la guitare. Donc tout a commencé un peu comme ça. Et les premières chansons aussi, même si elles sont un peu pourries, ont commencé à ce moment-là. Tu faisais des reprises ? Alors. Tu jouais des reprises ? Alors, pas beaucoup de reprises. En fait, c'est marrant parce que moi, mon truc a toujours été dès le départ de me dire « Ah, j'aimerais pouvoir composer une chanson comme Brassens ou comme ci, comme ça. » Et donc c'était... un peu de reprises, mais dès que je démarrais des reprises, c'était tout de suite, ça débouchait sur des compositions. J'essayais chaque fois d'approcher un peu des gens qui m'influençaient beaucoup, qui m'inspiraient. D'accord. Donc à 8-10 ans, tu vas à la chorale. Voilà. Tu es où, sur quel territoire ? Cotonou, au Bénin, donc en Afrique de l'Ouest, voilà. Où j'ai grandi. Donc tu es originaire du Bénin. Voilà, oui. Et tu es arrivé en France il y a combien de temps ? Ça fait une petite dizaine d'années. Donc, c'était en 2010. Et donc, je devais avoir... voilà. 20 ans et quelques. Donc, d'accord. Alors, au Bénin, tu rentres dans une chorale. Oui. Et c'est quoi la suite au Bénin ? Et donc, ça a démarré comme ça. Sauf que donc la chorale c'était la seule occasion pour moi de toucher à un piano ou à une guitare, alors que moi je voulais vraiment en faire tout le temps. Il y avait pas moyen de le ramener, c'était les instruments de la chorale. Donc avec mon frère Fabrice, que je salue si jamais nous écoute. Bonsoir Fabrice. Voilà, bonsoir. On a eu l'idée un peu naïve de se dire, ben on va pouvoir fabriquer notre propre guitare. Donc on a rassemblé du contreplaqué, des câbles de vélo, on a fabriqué n'importe quoi avec 6 cordes. Voilà. Donc ça a démarré comme ça. Je commençais à faire les premiers accords, on composait des chansons. Et il y avait justement sur cette paroisse un des prêtres qui était là. Et je pense que j'ai dû, il a dû avoir un peu pitié ou je sais pas quoi, mais Oh non. il m'a dit, ah mais ok, je t'offre ma guitare. Donc il m'a offert une guitare à ce moment-là. Et franchement, c'était pour moi le coup de cœur. Donc ça a vraiment démarré à ce moment. Alors, que je comprenne bien, dans la chorale, Oui. tu jouais d'un instrument, tu n'étais pas chanteur. Alors non, je voulais jouer d'un instrument. Donc j'étais tout le temps à côté des gens qui jouaient. Pour apprendre, pour voir comment on fait et tout. D'accord, donc Et toi, ce qui t'intéressait, c'était l'instrument. c'était Mais enfin, l'instrument. l'instrument, pas, parce que c'est aussi un instrument, son, C'est sa ça, voix, mais mais c'était la guitare, le c'était piano, la guitare avant et tout. avant tout, c'était Voilà. pas le chant. C'était pas le chant. Le chant, oui, parce que on ne pouvait pas y déroger, donc du coup, je le faisais. Mais avant tout, ce qui m'attirait le plus, c'était comment faire de la guitare pour pouvoir ensuite chanter mes propres chansons et m'accompagner, en fait. D'accord, Voilà. et toi, au niveau de ta voix, tu étais situé où en fait? Ténor. D'accord. Ténor et ouais, c'est ça. Ça n'a jamais été grave, plus grave. D'accord. Et ça a duré combien de temps cette chorale? Donc je l'ai fait. En fait, je l'ai fait jusqu'à mon baccalauréat, Ah oui, parce ça que j'ai durait. changé ensuite de chorale. Donc c'était d'abord chorale des enfants, ensuite chorale des jeunes, et après ça a été l'aventure musicale par moi-même, un peu avant de venir en France. D'accord. Donc vous vous produisiez dans des lieux Voilà, on particuliers? animait déjà des messes, par exemple. D'accord. Et ensuite, il y avait des concerts qu'on faisait annuellement. Ouais. Et quoi, il y avait quoi d'autre? Oui, il y avait des rencontres entre différentes chorales. Donc D'accord. voilà, c'était Au vraiment Bénin? au Bénin, c'est ça. D'accord. Exactement. Donc tu es resté à Cotonou, tu as bougé un peu J'ai là-bas? bougé D'accord. entre Cotonou et la campagne. Donc ma mère, qui était professeure de français, salut maman, Bonsoir maman. donc qui dirigeait cette chorale justement. Ouais. Et donc, en fonction de. Elle a été affectée dans une campagne donc, qui s'appelle Zé, D'accord. ZE. Et donc là, on a fait la chorale jusqu'à ce que j'aie le brevet. Et ensuite, je reviens à Cotonou, où D'accord. j'intègre encore une autre chorale. Donc, chaque fois que je bougeais, en fait. Donc, c'était en ces deux régions-là, D'accord. centre. Donc ton frère, tu m'as dit Fabrice tout à Oui, l'heure. Fabrice, oui. Lui aujourd'hui, il est aussi dans la musique? Oui. Il fait quoi? Alors, plutôt, j'espère qu'il m'en voudra pas. Moi, je le définis ainsi. Un peu slam, un peu rap, mais plutôt slam, je dirais. Plutôt D'accord. slam chanté. Alors, Voilà. tu vas justement nous parler de ça un petit peu, Ok. de ton style musical. Parfait. On va d'abord t'écouter. Par contre, je Super. voudrais que tu nous parles de l'histoire du titre. Tout de suite, si ça te dérange pas. Alors, c'est très bien. C'est Mayo, donc qui est un titre que j'ai composé en langue fon. C'est l'une de mes langues maternelles au Bénin. D'accord, c'est un dialecte. Voilà, Ça ressemble à un dialecte, c'est un dialecte, on c'est peut dire. ça. C'est le dialecte le plus parlé dans le sud du Bénin. D'accord. Voilà. Et Mayo, j'avais envie justement de commencer par ça ce soir parce que c'est l'une des seules chansons d'amour un peu naïf que j'ai su composer. Que tu as Donc, composé il y a combien de temps? il y a une dizaine d'années. Une D'accord. dizaine d'années, mais c'est vraiment sur cet album que je le fixe, quoi. On va parler de l'album dans la deuxième partie, de Super. toute façon, puisque tu as sorti un album il y a combien de temps à peu près? Tout récemment, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, Il y donc a on est, 3 semaines. on est Voilà. des vénards. Super. C'est Mayo, hein? Mayo, donc qui veut dire. C'est le numéro 6, je crois. Oui, je le vois. C'est ça. M-A-M, plus loin, Y-I-O. YIO, qui veut dire ne t'en va pas. Bon, ben on commence avec quelque chose pas très gai, quoi. Oui, Non, quoique, c'est un même s'il y a beaucoup espoir. d'espoir C'est un dedans, ça, espoir. voilà, Bon, on c'est va une dire, allez, chanson un elle est peu pleine tendre. d'espoir. Eh bien, écoute, on écoute Mayo. Super. Dès que tu es prêt, tu t'installes. Et puis, on y va. On t'écoute. Venon finimi, venon yolomi, ni yahwe non hoge, ni yahwe si dungeo, nan non hwe doe. nanando ete man yo man yo na yo nan ya vi getole nomba getole nomba nando resi non medi nanando jouer nan oui bonoué Jite nan boja, zante nan boku manja ten sege nan Nan konon doe, nan kisi noue man yo, na yo, nan yavi Tebawe akade, tebawe akade, nan hanoue, nan hanoue, yokpo, jebawe adeya, avobawe adeya, nan hanoue, nan hanoue, yavi, mon yo. Mon yo, mon yo, mon yo, tia vie, mon yo, mon yo, mon yo, mon yo, mon yo, mon yo. Na yo, na ya vi. Mon yo, mon yo, mon yo, mon yo, ya vi. Mon yo, mon yo, mon yo. Voilà. Bravo. Merci. C'était doux. D-O-U-X. Oui. Merci. Oui, pardon, pas des. Ouais, c'est vrai, j'aurais un petit peu. C'était, oui, c'était plein de, beaucoup de douceur. Là, devant toi, à siroter un petit apéro. C'est ça. Devant sa cheminée. C'est magnifique. Merci, merci. Ouais, c'est super. Donc, tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Je rappelle que tu as sorti il y a quelques semaines un album qui s'appelle Adonis, les amours jaunes. Les amours jaunes, oui. Voilà, donc tu viens de nous interpréter dans les coulisses de Bérénice un premier titre qui se trouve dans l'album qui se nomme Magno. Voilà, qui est bravo. Non mais je lis, hein, parce que sinon c'est pas possible pour moi. Et encore j'ai des lunettes. Magno. On dit Magno, d'accord. Ça, exactement. Donc qui est béninois, c'est ton seul titre de l'album en bénin. Alors oui. En béninois, pardon. En fon, ouais, c'est ça la langue, il s'appelle F-O-N, fon. Donc, c'est l'une des langues béninoises. Voilà, c'est une des langues de la béninoise. Et oui, c'est en même temps très symbolique pour moi. J'ai voulu le mettre là, au milieu de l'album. Et je pense que quelque part, je trouve que c'est un titre qui, pour moi, fait rayonner un peu sa douceur sur tout le reste de l'album. Ouais, il est extrêmement sympa. Donc là, c'est la sixième de 12. C'est ça. Donc, c'est un album quand même assez riche. Et oui. Comment on fait un choix pour quand on... Oui, voilà. Là, on rentre dans le dur, là, hein, dans les questions hardes. Donc, comment tu as fait tes choix, justement? En fait, ça me fait penser un peu à un parent à qui on dit, par exemple, il n'y a qu'une seule place à la table et qu'il faut qu'il choisisse un de ses enfants. J'ai eu presque ce dilemme-là de me retrouver devant une trentaine de compositions et de me dire, alors, lesquelles ont le droit de vivre et d'être fixées, en tout cas maintenant, voilà, sous cette forme-là. Après, ça s'est fait très vite aussi en fonction de l'histoire de... Et peut-être qu'on y reviendra, mais au premier confinement, mon activité précédente s'arrêtait. Et donc, je me retrouvais seul avec la guitare, ma guitare et la musique à nouveau. Et donc, c'est aussi dans cet élan que les chansons qui m'apparaissaient un peu comme presque vitales, en fait... celle qui me permettait de tenir et de me dire on ira vers de meilleurs jours à coup sûr, j'espère, voilà, ce côté un peu propulsé vers l'avant, voilà. Donc c'est des chansons un peu dans lesquelles je retrouve un peu cette énergie que voilà, que j'ai voulu. Alors toi, mettre. Tu te dis plus chanteur, enfin quel instrument tu maîtrises le mieux d'après toi? tu es auteur compositeur, c'est déjà énorme. Ouais. Interprète, oui. C'est un projet solo en guitare-voix ou tu peux être accompagné ou tu es accompagné, voilà, actuellement? Je suis accompagné. Sur cet album, j'ai tenu d'ailleurs à être accompagné. Alors, on n'est pas nombreux. Le nombre 3 m'apparaissait comme une évidence un peu. D'accord. Un peu comme les trois piliers d'un foyer. Et donc, batterie, contrebasse et moi, la guitare et au chant. D'accord. Voilà, donc, ça a été un peu l'équipe dure même de l'album. Mm-hmm. Et quand tu me demandes un peu comment je me vois, j'ai envie de dire que même... du point de vue de la SACEM, par exemple, je suis auteur, compositeur et un peu interprète. Mais moi, au quotidien, je me vis un peu plus comme... finalement comme quelqu'un qui vit des choses, qui voit des choses le traverser, qui observe des choses chez les autres, qui rêve et qui a envie de... qui espère un peu naïvement le transmettre, aller rencontrer d'autres personnes par le cœur. Voilà. Alors c'est une belle transition parce que je voulais savoir ce qui t'inspire aujourd'hui. Comme tu me disais, c'est tout ce qui se passe autour de toi, c'est l'actualité, c'était un observateur. J'ai envie de dire un peu... C'est un peu l'actualité, mais c'est aussi un peu le passé. J'ai l'impression que j'ai le vécu, un côté... C'est le vécu. Ouais. Et un peu la nostalgie, un peu de... je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, il y a une envie d'aller rencontrer l'autre qui me... Et c'est aussi peut-être un peu pour ça que j'ai toujours désiré voyager. Donc, je pense que je ne suis pas venue en France pour rien. J'avais vraiment cette envie de l'ailleurs et de l'autre. Mmh. Alors, justement, tu arrives en France il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Que fais-tu pendant ces 10 ans? Tu as fait pas mal de choses. C'est ça. Alors, il y a eu toujours un lien avec la musique. Oui. Puisque tu m'expliques. Vas-y. C'est ça. Eh bien, moi, donc, c'était en 2000, combien? En 2010. Ouais. J'avais vraiment envie de partir. Je m'étais dit, c'est le moment. Allez, je pars, je fais ma valise. Mais déjà, pour moi, c'était vraiment pour la musique. Je me suis dit, je vais aller en France. Faire une formation musicale. D'accord. Et ensuite faire des albums, jouer à l'Olympia un jour et tout le rêve. Sauf que je me rends très vite compte que déjà administrativement, c'était beaucoup plus évident que je vienne en France en étant étudiant. D'accord. Que en parlant d'art, en fait. Donc, d'accord, du coup, j'ai repris les études déjà. Yeah. Donc, j'ai fait un master à Paris 3. Sauf qu'en reprenant les études, je me rends compte qu'il faut bien que je vive de quelque chose et que je paye des loyers et que si et que ça. Donc, c'est vrai que les premières années, c'était un peu douloureux parce j'imagine. Que je voyais la musique que je ne pouvais pas faire au quotidien. Mmh. Mais en même temps, c'est très, très formateur. Ça m'a énormément nourri. Je m'en rends compte qu'aujourd'hui, quoi. Par exemple, j'ai dû faire des jobs. Alors, je ne vais pas dire le pire job, mais le job où j'ai été le plus perdu... C'était... et je n'ai pas tenu plus de 24 heures. Ils m'ont très gentiment remercié. C'était brancardier dans une clinique. Et donc, il fallait aller très, très vite. Il fallait que ça déroule. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais un vrai... Excuse-moi, mais un brancardier, c'est les urgences hein, pour que ça aille aussi vite hein. Alors non, c'était dans une clinique chirurgicale. Sauf que vite, parce qu'il y a des opérations, donc il faut, entre deux opérations, il faut en même temps nettoyer. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un premier problème que j'avais. En fait, on nous amène pendant le premier jour de formation un peu, je vois par terre un peu de sang, de la graisse et tout. Et il ne faut pas montrer justement, mais moi, j'étais... voilà, donc... Donc, et ensuite, il faut passer le balai et puis ensuite, il faut apprendre les gestes et tout. Et je pense qu'à la fin de la journée, la dame qui nous a formés, elle m'avait beaucoup apprécié. Elle m'a dit, vous êtes sûre qu'il n'y a pas autre chose qui vous passionne plus dans la vie que ça? Ouais, non, pour toi, c'était une évidence qu'il y avait autre chose à faire. C'est, voilà. Bon, pour te nourrir. C'est pour, ça, exactement. C'était bon, un peu... Voilà. Bah oui, on n'a pas trop le choix. C'est hein, ça. C'est alimentaire. Exactement. Mais en même temps, ça nous permet... Moi, ça m'a permis, en tout cas... Donc, de me perdre un peu m'a permis aussi de me retrouver, de me dire, OK, ben, y a la musique que j'aime vraiment. Et en même temps, la musique se nourrit aussi de toutes ces choses-là. Donc, j'ai pu écrire, par exemple, une chanson qui s'appelle « Le brancardier » après. C'est vrai, oui. Voilà, donc je me dis, quelque part, je me réjouis quand même de n'avoir pas toujours eu le choix d'avoir un pied dans, dans la vraie vie aussi. Ça permet aussi de... Alors, je ne l'ai pas mis sur l'album, évidemment, cette chanson. Oui, je regardais, ouais. Voilà, je le laisse un peu mûrir encore un peu. Mais voilà, je pense que l'une des sources d'inspiration, justement, quand tu me le demandais, c'est finalement un peu aussi tous ces chemins qu'on prend, parfois des chemins de travers, parfois des chemins où on se dit, là, je me perds. Ben... Mais en même temps, se perdre, ça fait partie aussi du chemin, quoi. Voilà. Eh oui, se perdre et l'échec. C'est ça. Donc, ce qu'on vit comme un échec, en tout cas, sur le moment. Ouais. Et que... Mais que plus tard peut s'avérer ne pas être un échec en tant que tel. Mais... Et quel est ton processus d'écriture? Est-ce que tu as une condition particulière ou est-ce que tu t'échappes par moment et là tu te dis je prends un crayon, un papier et j'y vais? Ou alors tu te poses dans un endroit à toi, dans un petit cocon et les choses arrivent? Enfin, comment ça se passe chez toi? Parce que j'y réfléchis en même temps que tu... C'est, ouais, c'est mais pas justement, que c'est... Je prenais le temps de dire les choses, je me suis dit comme ça lui laisse. Merci. J'ai presque l'impression que c'est pas souvent un rituel très physique, mais que c'est un processus qui se passe un peu en moi où il va m'arriver souvent de traverser des moments un peu de vide où je ne sais pas où je vais, où je ne sais pas vers quoi je vais, où j'ai l'impression que je tourne en rond et que je ne sais pas. Et qui a parfois des phases un peu de tristesse, de colère ou de frustration. Et après ça, poum, quelque chose... En gros, il m'arrive par exemple de peut-être passer une semaine à dire « Je veux composer une chanson, j'y arrive pas du tout. » Et deux semaines plus tard, poum, j'ai une mélodie qui commence par me venir. Et j'attrape la guitare et je... Voilà. Donc ça vient un peu par à coup et de façon intense. Et donc quand ces moments viennent, j'essaie juste de m'accrocher pour tirer le plus possible le fil... Et ensuite, petit à petit, comme un puzzle, la mélodie va appeler des accords et puis des mots que j'essaie de poser progressivement. Et puis, je le répète plusieurs fois. Et voilà. Donc là, tu nous disais tout à l'heure, donc t'es arrivé, quand tu es arrivé en France, tu as vécu à Paris pour tes études, tu as fait tes petits boulots. C'est ça. Tu continuais en parallèle à jouer, à te construire. Oui. Tu avais déjà le même style ou est-ce que tu t'es cherché? Je pense que je me suis cherché. C'est-à-dire que j'ai pu aller un peu vers un extrême qui est beaucoup d'orchestration avec beaucoup d'instruments et beaucoup de choses. J'ai eu des premiers projets à Paris, notamment j'ai joué dans des péniches, j'ai fait des concerts sur des péniches. Et c'était super d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu une première collaboration avec un label. Pareil, voilà, ça n'a pas forcément abouti, mais ça fait partie aussi du chemin, de l'expérience. On va parler justement de ton entourage. Alors, ce sera pas tout de suite, parce que j'ai plein d'autres choses à faire avant. Génial. À te dire, à te poser comme question. Et puis, on va écouter. Alors, je vais te laisser... te retourner, puisque derrière toi, il y a un grand écran avec ce qu'on appelle un cartoucheur géant. Okay. Et j'y ai intégré quelques titres, dont une artiste qui est de notre région. D'accord. Et puis deux autres artistes que tu dois bien connaître en dessous. Oui. Je te laisse choisir le titre qu'on va écouter. Et puis, on reparle de ton projet, bien sûr, tout de suite après. Eh bien, honneur à Léo. On y va pour Léo. Super. Donc, Léo, on va s'écouter Just Friends. Donc, c'est une très jeune artiste tourangelle. Que j'espère bientôt venir, qu'elle viendra ici pour présenter un deuxième album. D'accord. Je pense qu'elle est sur le chemin de l'écriture ou de l'enregistrement, je ne sais pas trop. Enfin, et donc, qui a un projet en solo, en guitare-voix. Guitare-voix. Voilà. Donc, on s'écoute Léo, Just Friend. Super. À tout de suite. Merci. When you hold me in your arms, which feels move you. When you hold me in your arms, can't you see the world is turning? When you keep my hands in yours, do you think we are just friends? 'Cause all I ever learned about love makes me feel so insecure. Into these arms where I felt so fine. 'Cause what I ever known about you was just a weird illusion. You keep holding my hands, so you hold my soul once more in an unknown place. We're prisoned, doesn't exist. I'm looking for answer. You're trying to retrieve a frame. But what kind of friend? What kind of friends are we? 'Cause me feel so insecure. Into this arm where I felt so fine. 'Cause what I ever known about you was just a weird illusion. Vous venez d'écouter Léo, Just Friend, qui est une artiste de la région Centre-Val de Loire. Vous nous rejoignez, bonsoir à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes dans les coulisses de Bérénice. Mon invité ce soir est Adonis. Il vient de... Adonis, qui est avec nous. Il nous a joué déjà un premier titre qui est... issu de son, décidément, de son album qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Les Amours Jaunes, et qui comporte, qui est composé de 12 titres. je ne sais pas ce que j'ai ce soir. Donc, rebonsoir à tous, rebonsoir Adonis. Bonsoir Bérénice, rebonsoir. Donc, on vient d'écouter Léo, c'est aussi doux que toi au niveau de comment c'est déjà le premier titre ? Maillot. Ah, mais si je ne le lis pas, je suis nulle. Hein. Maillot, pourtant, ce n'est pas compliqué. J'ai Maillot qui était un titre béninois. Alors, donc, on était en train de parler de ton label, enfin, de ta première collaboration quand tu étais sur Paris. Oui. Alors, qu'est-ce que tu recherchais en fait à l'époque, et qu'est-ce qu'on t'a donné à travers ce label ? Alors, donc, déjà, la rencontre s'est faite par le biais d'une amie qui est elle aussi musicienne d'ailleurs. Et donc, je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. J'ai l'impression que parfois, il y a des rencontres qui, quand ça se passe trop tôt, donc ça apporte une expérience, mais ça n'aboutit pas forcément. C'est un peu ce que j'en déduis aujourd'hui, c'est-à-dire que ça s'est passé super bien d'ailleurs. On a travaillé sur une dizaine de titres d'ailleurs, une bonne partie de ceux qui sont sur l'album aujourd'hui. On en était venu à la conclusion quand même que je me cherchais encore un peu quand même. Donc notamment en termes de quelle direction j'allais donner un peu au titre, est-ce qu'il me les fallait beaucoup plus beaucoup très orchestré, ou plutôt très très très léger, très light. En fait, je me posais encore beaucoup de questions sur moi-même. Voilà, c'est ce que j'en retiens aujourd'hui. Et donc finalement, cette première collaboration, elle avait un avantage. Elle m'indiquait que, OK, quelque part, j'ai peut-être mes chances aussi, donc je ne suis pas complètement à côté de la plaque, que ça peut intéresser des professionnels. Et en même temps, ça m'enseignait aussi qu'il me fallait peut-être encore prendre encore plus le temps, voilà, de grandir, de mûrir. Et donc, au bout d'un an, on a mis fin à cette collaboration, cette première collaboration. C'est vrai, ça a été un peu une déception pour moi et un sentiment aussi d'un échec et tout ça. J'ai pris le temps de digérer un peu tout ça et même parfois un peu d'oublier un peu la musique en me disant, OK, je revis un peu. Et donc, quelques années plus tard, voilà, je m'y suis remis. Et je ne sais pas si je réponds à ta question, Si, mais... tu as répondu, mais en fait, à quoi tu t'attendais par rapport au label? Pour Ah oui, toi, ah oui. cette collaboration, alors je ne sais pas si c'était si l'objectif, bon, parce qu'il y a l'objectif du label, Oui. puis il y a l'objectif de l'artiste. Quel était ton objectif à Alors, toi? À toi? tu vas rigoler quand je te dirai mon objectif. Moi, mon objectif, il était le même en partant du Bénin, c'était de briller, de faire l'Olympia. Voilà, c'est ça. Et donc, je croyais que, allez, en un tour de main magique, ça allait se faire très vite. Et l'objectif du label, par contre, c'était déjà qu'on arrive à produire un bon EP ou un bon album et qu'on puisse ensuite convaincre des labels plus grands, des maisons, à le défendre. Et donc, ce qui ne s'est pas fait vraiment, puisque, en tout cas, ça, c'est les retours que j'ai eus, c'est que les titres plaisaient, des professionnels disaient que, voilà, il y a un potentiel, mais qu'il reste à travailler encore plus. Voilà. Et donc, moi, je devais apprendre à accepter aussi de prendre mon mal en patience, de digérer, de Ah, travailler, on de veut aller continuer. toujours très Voilà. vite, hein. C'est ça, c'est ça. Alors des fois les choses peuvent aller vite, hein, mais ça peut brûler et puis le feu de J'imagine. paille, quoi. Alors je vais juste parler de ton album. Alors ton album, il y a 12 titres. Le premier, c'est Le Tour du Monde, puisqu'il y en a, il y a 11 titres en français. Oui. Donc il y a Le Tour du Monde, Guitare Youdou, Les Oui. Couleurs, L'Étranger, Sur le Carreau, Magno, Maï, bravo. ça se dit un peu, Papa. Papa, oui. Oh, alors celui-ci, il va falloir que tu m'expliques. Paris Bohème, Célibataire, Je reviendrai, Justice, il y a un duo d'ailleurs. Et puis Saint-Malo, Oui. en version acoustique. Moi, j'ai envie de tous les connaître, hein, Ah. de tous les entendre. Alors, moi, j'ai la chance de l'avoir eu gracieusement, ton album. On peut le trouver où, ton album? Alors, donc, malheureusement, avec le Covid et tout ça, mes plans de distribution sont un peu en stand-by pour l'instant. Donc, pour l'instant, la façon la plus simple de l'obtenir, c'est d'aller sur le site internet www.adonis.fm, très simplement. Et donc, vous commandez et vous l'avez en 48 heures. FR, tu veux dire, ou quoi? FM. FM, pardon. Ah. FM comme radio. Ah oui, c'est FM Voilà. le site. C'est D'accord. ça. Donc, Donc en fait, il est très adonis.fm. bien fait parce que, bien sûr, j'ai travaillé un petit peu le sujet avant Ah, de te rencontrer ce merci. soir. Et donc, j'ai trouvé intéressant ton site parce qu'on tombe directement en fait sur ton album avec notamment tes titres que l'on peut acheter. C'est ça. Mais aussi les clips qui sont associés à chaque titre. C'est ça. C'est extrêmement bien Ah ben fait. merci. Et pourtant, je Donc, suis pas un pro, je bidouille, ouais, mais mais j'ai trouvé ça non seulement simple, direct, OK. et puis en dessous, juste en dessous, on a ta bio, C'est ça. assez sobre. Oui. On sait bon rapidement qui tu es. Oui. Donc moi je trouve d'un point de vue enfin visuel et puis organisation, en plus le fond est assez clair et OK. tu as choisi une couleur où tu m'as dit ah oh ouais mais quand même t'étais pas bien C'est sûr au départ hein, mais en fait c'est le fond de ton album ça. et donc il est assez clair, il est rose Oui. mais un rose un vieux rose, OK, c'est ça c'est un vieux rose. je dirais un peu, je n'arrive jamais à le nommer ce rose, C'est un peu justement. comme une rose, une fleur en Un fait. Il y a peu, les vieilles. voilà. Et en fait, la couleur, c'est un peu du vieux rose. Et tu as un t-shirt jaune, un bonnet rouge avec ta guitare. Eh ben... Je trouve que ça te ressemble. Alors, que ce rose ou pas, on s'en fiche. Hein, mais au niveau de la douceur et tout, j'ai trouvé que ça reflétait bien ce que tu nous as joué tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, donc merci. Moi c'était un peu ce que j'ai ressenti. Donc merci. Je voulais te le dire. Merci. Qu'est-ce qu'on a ? Je voulais te poser la question aussi sur scène. Donc là, quand tu joues, tu as joué sur des péniches. Oui. Quand tu avais ton projet Adonis, c'est ton projet, c'est ton nom de scène ou c'est ton nom dans la vie ? C'est mon prénom et je l'ai gardé tout simplement. C'est ton parce prénom, que hein. j'ai cherché dans tous les sens des pseudos et en fait, tout me ramenait à Adonis, que j'avais du mal à porter. Je me dis, ça fait prétentieux, mais bon, finalement... On n'échappe pas à son destin, peut-être. Oui, ouais, parce que si ton frère, il a un prénom assez courant, ouais. Et toi, Adonis, ouais. Ça a une signification ? Mythologie grecque. Je ne sais pas lequel de mes deux parents me l'ont donné. Bon, mais okay. En même temps, Adonis, c'est un peu le dieu de la beauté ou de l'amour. Eh bien, écoute, soit. Voilà, c'est... soit, c'est ça. Alors, moi, j'ai envie que tu nous joues un deuxième titre. Parfait. Donc, est-ce que tu as une préférence ou j'ai envie de te faire plaisir ? Bah écoute, je te dis, moi j'ai envie de tous les écouter. J'avais écouté. C'est compliqué, hein, parce qu'ils me plaisent tous. Saint-Malo. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu vois, là tu me poses une colle, j'ai pas eu le temps de répéter. Mais, tu peux en choisir un autre. Hein. Non, c'est très bien. C'est terrible. Très bien. Donc, donc Saint-Malo, super. Version acoustique. Parfait. Donc, c'est ce qui est sur l'album. On y va. Ok. On t'écoute. Est-ce qu'il y a du soleil ? Est-ce que là-bas, il fait chaud ? Est-ce qu'on aura de l'eau ? Pour tenir sur la route, si la mort vient me voir, je lui demanderai. Mais où est-ce qu'on va et pourquoi je n'ai pas le choix? Je veux partir comme un bateau, hisser mes voiles, me lancer dans la nuit. Je veux dormir. Le soir, au fond de l'eau, passer le reste de ma mort à Saint-Malo. Est-ce qu'il y a des maisons, des endroits pour rêver? Est-ce qu'il y a des amis? Passer nous voir 10 minutes. Est-ce qu'il y aura des femmes pour nous aimer un peu? Est-ce qu'il y aura des bars quand elles vont nous quitter? Je veux partir comme un bateau, hisser mes voiles, me lancer dans la nuit. Moi, je veux dormir ce soir. Au fond de l'eau, passer le reste de ma mort à Saint-Malo. Est-ce qu'on se reverra? Est-ce qu'à chacun son tour? Est-ce que vous serez là encore pour écouter mes chansons? Si la mort vient me prendre, je lui dirai de m'attendre pour vous dire au revoir et faire mon signe de croix. Et si la mort vient me pendre, je dirai à maman, j'ai jamais fait l'amour, c'est l'amour qui m'a fait. Comme un bateau, hisser mes voiles, me lancer dans la nuit. Moi, je veux dormir ce soir au fond de l'eau, passer le reste de ma mort à Saint-Malo. Voilà. Désolée de plomber l'ambiance. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est magnifique, c'est hyper, elles sont hyper merci. Touchantes. Merci. Ouais, t'as un super grain de voix, une écriture assez fine et en même temps assez puissante en fait. Et moi, je suis beaucoup touchée ce soir. Eh bien, moi, j'ai les larmes aux yeux, donc ça va. Donc, ça me fend le cœur presque. Merci. Merci. Mais dans le bon sens, hein. Donc, voilà, donc c'était super chouette. Merci vraiment pour ce titre Saint-Malo en version acoustique. Donc, ça très bien parce que c'était deux titres en acoustique que tu joueras chez nous. Donc, cet album qui est sorti, pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes avec Adonis pour sa sortie d'album Les Amours Jaunes. Ça fait déjà à peine une heure qu'on est ensemble et déjà ça passe vite. Ouais, mais j'ai pas envie que ça se termine parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à être avec toi, à t'entendre ce soir. Merci, donc, c'est tout à fait réciproque. Et quelles sont tes influences justement? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Oui. Mes influences, finalement, c'est un peu, je dirais, un peu comme si c'est un peu, finalement, un peu le résumé un peu de mon histoire aussi. J'ai envie de dire que j'ai des influences un peu en France et des influences un peu en Afrique. Et depuis mon enfance, une des personnes qui me touchait, par exemple, beaucoup, et en même temps, c'est très simple, hein, il suffisait de fouiller dans les vinyles de mon père, il y avait Brassens, il y avait Cabrel, Parmi ceux qui vivent. Et de l'autre côté, il y a plein d'auteurs africains. Il y a Le Kwakanza, par exemple, qui est une personne que j'adore et que j'ai eu la chance même de croiser, que j'adore par sa voix, ses mots. Il parle, par exemple, il y a une chanson où il parle du bonheur. C'est quoi le bonheur? Ça m'a toujours beaucoup touché. J'aime beaucoup Tracy Chapman, Bob Dylan. J'aime finalement des gens qui me renvoie une certaine simplicité, mais qui n'est pas si facile, quoi. Et une vision de la vie, Bon, après ça, c'est moi qui le projette, peut-être sur eux, mais des gens qui donnent envie d'avancer, de vivre. Un peu, je dirais, des chanteurs poètes, un peu des troubadours, quoi. J'ai une remarque en direct sur mon téléphone qui m'indique « Waouh, qu'est-ce que c'est joli ce qu'il fait ce garçon !» Oh, merci. Donc ça, c'est JPJP. D'accord. Voilà, qui est un animateur en blues. D'accord. Qui a une chronique à 21h jusqu'à 23h sur la radio Web Passion. Donc on va pouvoir l'écouter donc, juste après, c'est ça? Voilà, qui est un mélomane, donc il sait de quoi il parle. Eh bien merci beaucoup. Donc, ouais, je voulais juste te le dire entre deux. Merci. Pas de couper la parole surtout, mais je voulais l'évoquer. Merci. Tu as joué quand même pas mal tu m'as dit beaucoup en Afrique quand même. Tu m'as parlé de l'Institut français au Bénin. Donc tu as une petite tournée là-bas, ça s'est passé comment? J'ai eu des vies avant celle-ci. En 2000, c'est quand je parle comme si j'étais très vieux. En 2007, en fait, donc c'était juste après malheureusement le décès de mon père. Donc j'ai ressenti un peu le besoin très urgent de faire un premier album. Donc ça a été ma première expérience, je dirais, discographique et musicale. Et donc, c'était parti vraiment très simplement avec mon frère et un ou deux amis. On est allé en studio, ils m'ont accompagné, j'ai fait quelques titres. Et ça m'a complètement dépassé à ce moment-là. C'est-à-dire que je le découvrais sur les chaînes de télé, il n'y en avait pas des centaines non plus. Mais du jour au lendemain, je me rends compte que mes chansons passaient en boucle sur les radios, sur les télés et tout. Donc, très vite, ça m'a presque dépassé. Et ça a été une très belle année 2007, 2008, 2009 où j'ai dû faire... C'est grâce à ça, je dirais même, que j'ai découvert un peu plus mon pays parce que je n'avais pas beaucoup voyagé. Et donc, on m'appelait un peu dans toutes les grandes villes du Bénin et aussi dans des villages, dans des coins où j'ai eu la chance de faire des concerts. Donc, l'Institut français dans toutes les grandes villes du Bénin et aussi dans des villages, dans des coins où j'ai eu la chance de faire des concerts. Donc, l'Institut français qui s'appelait encore à ce moment le Centre culturel français. il y en avait deux, un à Cotonou et un autre à Parakou, donc je les ai fait les deux. Et ça a été des chouettes moments. Tout ça pendant 2, 3 ans. Et ensuite, je ressentais un peu le besoin de redescendre un peu, redescendre, et en même temps d'aller me risquer encore plus à autre chose. Donc voilà, ça a été une belle parenthèse. Et ensuite, j'ai pensé à aller en France à ce moment-là. Alors, ce que j'ai remarqué chez toi, Oui. c'est que tu te risques beaucoup, à beaucoup d'expérience. Du Bénin à venir en France comme ça, c'est pas évident. Enfin, il faut savoir, faut pouvoir le faire déjà. Tu rebondis, c'est-à-dire que tout ce que tu sais rebondir facilement, t'adapter, etc. C'est pas évident parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille Non, non. et parce que aussi c'est pas facile de faire sa place dans ce milieu. Et tu as déjà une maturité, tu as pas mal d'expérience et je crois qu'on pourrait encore en apprendre beaucoup sur toi, sur ton parcours. Bon, là, j'espère qu'on se reverra. J'espère. C'est ton deuxième album que j'ai sous les yeux? Alors oui, donc je dis souvent un peu mon premier album en France, donc mon premier album parce que d'un certain côté, et c'est normal, je me dis toujours que on peut faire mieux, donc du coup j'ai tendance à tuer mes anciens, mais en fait ouais, je dirais c'est mon deuxième album, un D'accord. premier que j'ai fait au Bénin il y a 10 ans. Et qui a ses imperfections, mais qui a aussi ses charmes un peu du début. Et ça, c'est le deuxième que je fais en essayant de me trouver de mieux en mieux, d'aller vers. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que je suis le premier, c'est un peu. Tu verras un peu tout ce que j'ai envie de faire, mais que j'arrive. C'est un peu comme l'enfant qui commence à vouloir marcher, quoi. Et que sur ce deuxième, je commence à me dire, OK, moi j'ai envie d'être telle chose, j'ai envie de faire ça, et je commence à essayer d'assumer un peu plus qui je suis, quoi. Alors, t'as fait de la promotion pour cet album, donc tu as déjà fait quelques belles radios, Ouais. donc on peut en parler hein, Ah, c'est cool, aussi. on peut citer la concurrence, c'est très Bah, tu sais, bien. je trouvais intéressant que tu puisses accepter de venir chez nous Super. en ayant fait aussi des radios FM, etc. Très Donc, bien. je pense que c'est plutôt professionnel de ta part de pouvoir aussi faire une sélection. En plus, tu as fait la sélection de Radio Web Passion, Eh donc ben, on est très mais contents. très honnêtement, c'est avec grand plaisir. Vraiment, c'est avec grand Mais plaisir tu es quand. passé à Radio France Bleu, Voilà, tu as fait j'ai. une live C'est session. ça. Et puis, alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance quand même parce que je me suis dit, mais c'est fou parce que cet album sort vraiment, on dirait que ça sort au mauvais moment. Bah On est oui. en plein confinement et tout. Et pourtant, curieusement, j'ai la chance quand même qu'il soit accueilli au-delà de mon attente. Donc, France Bleu Orléans, ils m'ont fait l'honneur d'accueillir l'album et d'en parler tout le mois précédent, tout le mois de novembre Voilà, tout le mois de novembre, déjà. Voilà. ils ont parlé Donc, de toi et c'est ça. Et ils ont sélectionné un titre peut-être. Il y a eu 3 différents titres. Donc, c'était en live en plus. Donc, j'étais avec Arnaud à la batterie. Donc, Arnaud qui joue sur l'album. Donc, ça a été super bien. Ça m'a fait entrer en toute sérénité dans le deuxième confinement. Et ensuite, il y a eu la radio Prune de Nantes. Donc, je fais coucou aux amis de Nantes, s'ils nous entendent. Donc, qui aussi, c'était très, très touchant d'ailleurs, parce que ils ont vraiment, en tout cas, l'animatrice qui a découvert voilà, ma musique comme ça, avait eu l'air de beaucoup apprécier. Et donc, ils m'ont invité en émission et ils en ont reparlé encore la semaine dernière de l'album. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a Fréquence Verte qu'ils diffusent un des titres qu'ils aiment bien, les couleurs. Et puis, voilà, c'est un peu ça pour l'instant. Comment tu te vois dans 2 ans? Alors, je me suis donné un objectif à. On est en 2020, donc à 5 ans. Dans 5 ans, je pourrais au moins te dire ça, mais dans 2 ans, je ne sais pas. Dans 5 ans, j'aimerais tellement pouvoir jouer en première partie, par exemple, à l'Olympia d'un de mes artistes préférés. Disons, par exemple, Francis Cabrel, par exemple, pourquoi pas. Mm-hmm. Dans 2 ans, je me vois vraiment vivre de la scène, quoi. Être sur scène, faire des festivals, rencontrer du public, des gens, vraiment. Donc ça me... Voilà, c'est, je dirais même que finalement, l'album, pour moi, vraiment, c'est comme un prétexte. Je me dis, OK, ça me permettra peut-être d'aller rencontrer mon public. Donc tu vis à Orléans aujourd'hui, ça ? Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et donc, on a eu l'occasion donc, de te voir sur des scènes. Tu as joué dans le coin ? Alors, il faut dire que donc, il y a 2 ans, je m'installais à Orléans. Je m'étais lancé dans une aventure un peu qui me passionnait beaucoup, même si c'était dur finalement à gérer. C'était un salon de thé littéraire donc, que je reprenais et où j'organisais des concerts et que j'accueillais des artistes. Donc, ça ne m'a malheureusement pas laissé le temps de faire de la musique moi-même suffisamment. Donc, il n'y a que depuis le premier confinement où j'ai dû malheureusement fermer mon établissement que je me suis remis à fond dans la musique et avec une série de dates qu'on avait prévues. Mais en fait, tout est très, très mal tombé. Donc, on a dû tout annuler donc, parce qu'il y avait le confinement à nouveau, les restrictions. Mais je ne désespère pas en tout cas. Donc, j'espère que d'ici le printemps, on va pouvoir reprendre. On a quelques idées folles en plus, des concerts dans des lieux improbables. Voilà, on n'a pas le droit d'en parler. Bon, mais, j'espère que... Suivez Adonis. Merci. Donc, www.adonis.fm. Parfait. Il a sorti donc son album 12 titres, Les Amours Jaunes, avec un seul des titres en béninois. Comment tu m'as dit En fond, F-O-N. F-O-N, c'est ça. Voilà. En fond. Et puis, moi, j'ai encore envie de t'entendre. Ah. Est-ce que tu en aurais un troisième? Attends, je vais te faire un petit bout d'un troisième, ça te va? Ouais, vas-y. Super. Ouais. Allez. Tu nous... Comment il s'appelle? Les Couleurs. Ah, c'est Les Couleurs, oui. Pour apporter un peu de couleur. Qu'est-ce qui est sur l'album? Ah, c'est super. On m'a dit petit, l'amour c'est bleu. T'y verras que dalle, c'est mystérieux. Un jour elle t'emmène de fou le feu. Puis un jour elle s'en va et t'es malheureux. On m'a dit fiston, te pose pas trop question, mais pourquoi on voit les couleurs et pourquoi on croit les rumeurs? Moi je voulais lire dans vos cœurs, entendre l'enfant qui rit, qui pleure. Je voulais sentir les fleurs du jardin de l'intérieur. On m'a dit regarde, la terre c'est rouge. On m'a dit frissonne, y a tout qui bouge. Les humains ont bu trop de pétrole. On va dans le trou, y a plus de sous-sol. On m'a dit bonhomme, te pose pas 1000 questions. Regarde, la vie c'est noir. On m'a dit prends garde quand vient le soir. Cherche pas, y'a pas d'échappatoire. Ne pleure pas, c'est juste un purgatoire. On m'a dit, vieillard, te pose pas mille questions. Mais pourquoi on voit les couleurs? Et pourquoi on craint le malheur? Moi, je voulais lire dans vos cœurs, entendre l'enfant qui rit, qui pleure. Je voulais sentir les fleurs du jardin de l'intérieur. Eh ben, dis donc, si vous nous rejoignez, je vous dis que c'est la fin, c'est dommage. Dommage, oui. Donc vraiment super. Écoute, si elles sont toutes comme ça sur l'album. Promis. Satisfait ou remboursé. Satisfait, ouais, je pense que c'est satisfait, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui démarrent dans le domaine. Qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai pas de conseil, mais j'ai peut-être un message peut-être à partager avec eux. Ce serait que, en tout cas, moi, ce que j'essaye d'y croire, c'est de suivre un peu son étoile. Voilà. Suivre son étoile, suivre la voix qui nous parle. Ça a toujours été un peu ce que... C'est pas évident, parce que j'ai l'impression que c'est parsemé de doutes et de remises en question. Continuer, mais qu'il me semble en tout cas que la vie vaut la peine d'être vécue, surtout si on y trouve sa place et qu'on se sent à sa place. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour un jeune, mais...